Les participants au 5e Festival international en l'honneur des grands hommes Paektosan ont offert une corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. Au nom des participants au festival, le président du comité préparatoire mongol pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektosan 2017 et le secrétaire général de l'association d'amitié Belgique-Corée l'ont transmise le 15 courant à Kim Yong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême.